Encore lourde de chaleur, les gouttes martèlent mon cœur. Frappé, maltraité et battu, il a résisté. Qui l'eût cru? Quand le ciel tonne et détonne, je me réfugie dans mon nid. Rien ne m'atteint, rien ne m'affole. Je suis si bien dans mon lit. En approchant de l'hiver, la pluie s'affine et rafraîchit. J'ai tenu bon l'année dernière. Résisterai-je cette fois-ci? Je sais que l'eau est nécessaire pour créer et maintenir la vie. La mort est son corollaire. Depuis toujours, c'est ainsi. Pour m'éviter de trop penser, je dévore et me désaltère. Par mon esprit, je survivrai tant que coulera la rivière.